de Melocchi. Moi j'aime trop les femmes pour les voir souffrir. J'aimerais également remercier Luigi. Bonjour et bienvenue dans le cinquième numéro de Porte Bidon, émission de sport qui se déroule tous les troisièmes lundis du mois sur Radio Nos Cultures. On peut écouter cette émission sur radionoculture.wordpress.com et Spotify. N'hésitez pas à partager le lien sur les réseaux. Le concept est simple, un acteur du sport local qui vient nous parler de sport. Aujourd'hui, nous allons parler de course à pied et pour cela, je suis en compagnie de Maxime Dupouille. Salut Maxime, comment ça va ? Salut Vicente, ça va très bien et toi ? Eh bien, ça va très bien, merci. Merci d'être venu. Donc, Maxime, tu as 27 ans. Tu... Un peu plus. 28 ? 29. 29, ah merde. Moi, j'étais persuadé que tu avais beaucoup moins. C'est excuse-moi, pas grave, je te rajeunis. C'est parce que je fais jeune, ça. Tu pratiques la course à pied de manière sérieuse depuis maintenant 4 ans. Tu te décides à te mettre en forme à la suite d'une dépression et l'arrivée du Covid. Tu trouves des objectifs sportifs d'abord dans le vélo et ensuite dans la course à pied. C'est bien ça ? C'est pas mal. Alors, avant de parler course à pied, déjà, par quoi tu as commencé ? Est-ce que tu as, avant tout ça, fait du sport quand tu étais jeune ? Qu'est-ce que tu as pu bien faire au collège, en dehors ? Oui, tout à fait. Bah, j'ai fait 15 ans de basket, ah oui. Donc en club. Donc, d'abord dans mon petit village et puis après, rapidement au Stade Montois. Ok. Donc, Parce que tu viens d'où toi ? À côté de Mont-de-Marsan, ouais, c'est ça ? Un village et... à côté de Mont-de-Marsan, ouais, c'est ça. Benquet ? C'est ça, exactement. Ah, je te connais bien, hein ? C'est ça. J'ai bien potassé ta fiche Wikipédia. ouais, c'est ça, merci. Donc du coup, tu as fait ouais, 15 ans de basket. Exactement. Et ouais, tu aimais bien le basket. Ouais, c'est ça, j'aimais bien le basket jusqu'au moment où ben, je m'en suis lassé. Et ouais. Gentiment, je me rendais compte que faire les déplacements le week-end, tout ça, c'était compliqué. Ouais. Plus tous les entraînements, la semaine imposée, les heures imposées, ça m'allait plus. Donc, j'ai un peu arrêté. Ok. Et après, voilà, la suite a fait que je suis tombé un peu dans une genre de dépression. Bon, bah, c'était pas du tout par rapport au sport, hein, mais ouais. Par rapport au travail, par rapport à une mauvaise rupture. D'accord. Donc, j'ai complètement arrêté le sport pendant 2-3 ans. Ouais, ça, c'était quelles années, ça ? 2020 un peu. Ouais, 2020. 2018. Ok. 2017-2018, quoi. Ok. Voilà. Ça marche. Et donc du coup, après ça, tu décides donc au début de te donner des objectifs sportifs et tu te mets au vélo, c'est ça ? Exactement. Ben, amoureux du Tour de France depuis tout petit, ouais. Passionné de vélo, notamment l'été, je faisais beaucoup de vélo. Bon, quand j'étais gosse, quoi, ado, gosse, jusqu'au moment où je me décide d'acheter un vélo. Ouais. Donc, c'est hyper utile pour faire du vélo, ça. Acheter un vélo ? Ouais, notamment, ouais. Un casque aussi. Ouais. Et du coup, je me suis mis au vélo, mais au début, c'était une sortie par mois, c'était pas très sérieux. Jusqu'au moment où le Covid est arrivé. Ouais. Et du coup, je vivais à Bordeaux pour le travail. Et du coup, ils m'ont muté sur le Pays Basque. Et c'est là où bah, le confinement est arrivé. Et ensuite, l'arrivée au Pays Basque a fait que je me suis lancé au vélo plus sérieusement. D'accord. Du coup, tu t'es lancé pendant le Covid ou après le Covid ? Non, vraiment pendant le Covid. Okay. Donc, comment tu faisais ? Tu faisais des tours de 5 km autour de chez toi ? Exactement, même pas. J'avais une route. Bah, du coup, il n'y a pas de voiture, donc ça allait. Et en fait, je faisais des allers-retours devant la maison. Quoi. Comme quand j'étais gosse. Ah ouais, c'est exactement, ça. Exactement. Hein. Je faisais le petit poisson dans l'eau. Quoi. Je tournais dans mon aquarium toute la journée. Quoi. Enfin, pas toute la journée, mais je faisais des sorties de 1 heure, 1 heure et demie. C'était vite long et vite lassant. Donc voilà. D'accord. Et du coup, c'était quoi comme vélo que tu avais ? C'était du vélo de route que tu faisais, pas ouais, du VTT C'est ça. Ouais. Bah, j'avais acheté un vélo de route et j'ai commencé avec ça, ouais, tout à fait. Et est-ce que tu faisais ça tout seul ? Tu as été avec des coéquipiers ? Est-ce que tu as fait est-ce que tu as fait en club ? Ouais, tout à fait. Bah, au début, forcément, pendant le Covid, j'étais tout seul. Oui. Et ensuite, sorti du Covid, quand je suis arrivé à Bayonne, je me suis mis en club. D'accord. Donc, j'ai été licencié au Guidon Bayonnais. Ah oui. Donc c'est un club Buffolep situé à Bayonne. Ouais. Donc j'en ai fait avec eux pendant 1 an et demi, quelque chose comme d'accord. ça. Tous les dimanches matin, on partait rouler. J'ai rencontré des super personnes. Ouais. Et ensuite, du jour au lendemain, je pense que je m'en suis un peu lassé. Ouais. J'étais un peu dans l'extrême de ma pratique. Quoi. C'était beaucoup de kilomètres, quasiment tous les jours. Enfin bon, un peu trop quoi. Oui. Après le vélo le dimanche matin, moi j'aime bien aller rouler aussi. C'est vrai que on peut facilement discuter avec les gens. C'est quelque chose. Le vélo est très sociable, je trouve. Moi, je le pratique donc en triathlon. On a la sortie les week-ends. Et donc, du coup, c'est vrai que sur 3h30 de sortie, il y a quand même un bon 2h où on peut rouler tranquille à discuter. Il y a peut-être 1h30 où on fait des intensités dans les côtes. Le retour, en général, qui est ultra rapide. Mais au début, pour l'échauffement, on discute et tout ça. C'est plutôt sympa. Et donc, du coup, pour se mettre au sport, je pense que le vélo, c'est vrai que c'est un très bon allié. Ouais, c'est clair. Bah, j'ai rencontré des super personnes avec qui je suis encore copain, même si je ne fais plus forcément de vélo. Je suis encore en contact avec ces personnes-là et c'est vrai que c'est vachement agréable. Après, voilà, c'était surtout la semaine où, après le boulot, il fallait partir rouler. Ouais. Bah, c'est pareil, si on roule que le dimanche matin, bah, c'est pas suffisant pour être performant, on va dire, sur l'aspect compétition. Parce que tu faisais de la compétition ? J'ai essayé. Ouais. J'ai fait quelques courses. Bah, j'en ai jamais fini une, je crois. Ouais, donc, parce que j'arrivais pas à me placer, j'arrivais pas à rouler en peloton, j'avais totalement. J'avais peur, quoi. Donc, je paniquais. Et je finissais lâché parce que bah, en étant en fin de peloton, on fait l'élastique constamment. Oui. On prend toutes les relances en... Enfin, c'est horrible. C'est compliqué, oui. Donc, je lâchais à chaque course et j'arrivais pas à rouler en peloton. Donc, ça a été aussi un des facteurs qui a fait que j'ai arrêté le vélo, quoi. Parce que je voulais faire de la compétition et c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était compliqué. C'était pas fait pour moi et c'était très compliqué. C'est vrai que le vélo, on parle beaucoup de performance physique et de tout cet aspect-là, mais quand on pense dans les descentes, sur le plat, rouler à ces allures-là, aussi proches les unes des autres, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué à faire. Et j'en parlais justement quand j'ai fait l'interview de Chabi Sasko, et on en parlait hors antenne, et c'est vrai qu'il me disait que quand on arrive sur des courses où on est un peu juste physiquement, ça devient encore plus dur de se placer, et il disait que dès qu'on est un peu derrière, c'est l'enfer, quoi. Ah ouais, c'est clair. Et le problème, en ayant commencé sur le tard comme ça, je manquais clairement de technique et d'agilité sur le vélo, donc pas du tout à l'aise par rapport à des gens qui en font depuis 20 ans. Oui. Donc c'était deux fois plus compliqué pour moi de rester dans le peloton. Et quand même je partais au début de la course bien placé et je finissais derrière au bout de 3 km, j'étais derrière un coup de peloton, quoi. Ouais. Alors que je faisais rien, tu vois, je roulais juste, quoi. Ouais, mais ouais. Le fait que les gens ils se faufilent, ils se placent, c'est horrible, j'arrivais pas à suivre, quoi. C'était... Oui, je comprends. Compliqué. Bah, c'est vrai que dans un petit peloton, déjà, ça peut faire peur. Alors, dans des gros pelotons. Moi, j'ai fait ça que deux fois. Dans deux courses différentes, c'était des cyclos sportives. Ouais. Déjà, ça peut être un peu tendu dans les descentes, quoi. Dans une ou pleuvait, c'est vrai que ça peut être. Ça peut faire peur. C'est clair. Et moi, j'ai commencé sur ma première course. On était un peloton d'une centaine de coureurs, quoi. Ouais. Et lancé à 40 ou 50 km/h, même dans un faux plat descendant, voire plus, parce que là, c'était sur du plat à 50, on va dire. J'étais flippé comme pas possible, quoi. C'était impossible à vraiment pas à l'aise, quoi. Je peux comprendre. Écoute, je te propose d'écouter une première musique que j'ai choisie, et on va écouter donc la chanson Alboca de Etchepe. Etxepen gaude gu, nora zoazu, jezalen paganda, oaxer imoz kortu. Urekin melduzu, txiki urragu, askaloz dien inokazto lagula ju. Lobo mano krae, baji flogin milan imaz, gaztia denaz, baina buruz aborru ari ja. Minita txekeatzen, aperre joseatzen. Azten karu non zure posa marrasten. Zuten zu versio noin nazen maz kabron. Ez dozu lertzen azik eur konpon. Txikitatik batera petardokin kalera. Jaixak hazi eta gu ezin eldu etxera. Zezenak harrapan hasik edale don dale. Hasik edale don dale, dale don dale. Egun hau itarri trago zenen jaizala. Hasik edale don dale, dale li don dale. Etxepen gaude gu, nora zoazu, jezalen paganda, oaxer imoz kortu. Urekin belduzu, txiki urlagu, askaloz dien inokazto hona jula ju. Etxepen gaude gu, nora zoazu, jezalen paganda, oaxer imoz kortu. Kalimotxo zerbeza buruan puti huelta Etxetik urten eta etzinator de huelta Zerruan atazko gainetik kiri huelta Elitan ibarra eskalokartzen zaueteta Entzuten zu versión oina zer maz kabron Ez dozu lertzen azik egon konpon Txikitatik batera petardukin kalera Jaixak hazi eta gu ezin jeldu etxera Zezena garrapona, asike dale don dale Asike dale don dale, dale don dale Egun hau itzarri trauzen el jaizala Asike dale don dale, dale li don dale Volumena igota martxan jartzen gare Ez gaitu zu maite baina gu hemen gaude Volumena igota martxan jartzen gare Ez gaitu zu maite baina gu hemen gaude Etxepengo degu, nore zu azu Jaizalon parranda hau eseri moskotu Gurekin meduzu, txiki urragu Azkal ostien nio kristona jola iu Etxepengo degu, nore zu azu Etxepengo degu, nore zu azu Nore zu azu Alboka de Etxepe, un groupe qui nous vient, je crois, de Navarre, qui est un peu dans la continuité de ce qu'avait fait Chill Mafia à l'époque, mais en plus propre quand même. J'ai choisi cette chanson, tout simplement parce qu'on parle de course à pied, et que c'est la dernière chanson que j'ai écoutée hier sur ma séance de course à pied. Est-ce que c'est bien passé cette séance ? Très bien, je suis très content. Bon, t'es en canne alors ? Ça va, je pensais que ça allait être pire, franchement. Tu prépares quoi là ? Je prépare un 10 km. Ok. On verra. On est là pour parler de toi, Maxime. Oui, mais bon, quand même. Donc, du coup, après le vélo, Maxime, tu décides de te mettre à la course à pied. Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Du coup, j'en avais un peu marre du vélo, forcément, comme je l'ai dit précédemment. Et j'ai essayé de courir le soir, comme ça, après le boulot, une fois, deux fois. Et je me suis rendu compte que j'avais des facilités, on va dire, du fait de la forme physique que j'avais acquérir en vélo. Et peut-être ma morphologie, je sais pas. Bon, je faisais n'importe quoi, je partais comme un fou, je courais à bloc tout le temps. Ce qu'il faut pas faire, évidemment. Mais ce que tout le monde fait. Oui, mais ce qu'il faut pas faire, évidemment. Oui, mais tout le monde le fait. On recommande de pas le faire. Oui, en général. C'est ça, quand tu débutes, tu veux tout le temps évoluer, tout le temps te prouver à chaque sortie. Donc forcément, c'était comme ça. Et en parallèle, j'avais un copain, Mika, qui se reconnaîtra, et il bossait chez Nike. Et donc, il m'a dit, vas-y, je te vends une paire de chaussures pour courir, quoi, du coup. Ouais. Parce que jusqu'à là, je courais avec des vieilles chaussures que j'avais chez moi. Bon, bref, rien de très bien pour courir. Et du coup, je lui ai pris une paire, puis deux, puis trois. Et voilà, ça s'est lancé comme ça, quoi, gentiment. Et puis, toujours le sens de la compétition que j'avais, je voulais toujours faire mieux. Donc, là aussi, je me suis mis en club. D'accord. D'entrée ? Au bout de 2-3 mois. Ok. Ouais. Et t'avais fait déjà une course ou même pas ? J'ai fait ma première course quand je me suis inscrit. Donc je me suis inscrit en septembre pour la rentrée. J'ai fait ma première course en octobre. Ah oui, d'accord. Et donc du coup, t'avais commencé à courir un peu avant ? Durant l'été peut-être ? Ouais, en juillet. Autour de juin, juillet. Ouais. Dans l'été, c'est ça. Parce qu'on avait fait une sortie dans les Pyrénées avec les copains. Ouais. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que j'avais pas envie de faire des cols en vélo. Et il y a une journée, je les ai laissés... Je les ai laissés rouler, moi je suis allé courir dans Saint-Lary, quoi. Non, sur le plat, mais dans un lari, quoi. D'accord. Voilà. et donc, du coup, quand tu te mets à courir, est-ce que de suite, tu te donnes des objectifs ou comment ça se passe? Ouais, clairement. Je sais pas, en fait, je sentais que j'avais des capacités et je sais pas, j'avais dû voir les minima pour les championnats de France passer par là sur Internet ou sur la Fédération Française d'Athlétisme. Qui sont de combien? 34 minutes 15. 34 minutes 15, d'accord. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas, je vais essayer. Après, j'étais un peu naïf parce que j'avais zéro connaissance en course à pied. Est-ce que tu savais, toi, combien tu pouvais faire à cette époque-là? Ben, j'avais fait, juste après le boulot, je m'étais testé de partir à fond. D'un coup, j'avais fait moins de 40 minutes. D'accord. Tout seul après le boulot, en courant très peu. Et je me suis dit, bon, vas-y, ça me semble ouais. possible. Mais en fait, c'est là où on se rend compte que après gagner les minutes, c'est plus compliqué, quoi. Ben, en fait, gagner les minutes, c'est facile, et après gagner les secondes, c'est difficile, c'est ça. Ouais, c'est ça. On descend vite au début, et puis voilà, plus on descend, et plus c'est dur de descendre. Donc voilà, là, c'était très compliqué. Au final, je me suis rendu compte que ce que je voulais, ben, ça allait être beaucoup de boulot, quoi. Ça allait pas être fait en 2 mois, et voilà. Ouais. Donc ça m'a motivé. Et c'est vrai que cet objectif-là m'a suivi pendant pas mal de temps. Et tu te donnais des objectifs intermédiaires quand même, par exemple performer sur une course spécifique ou comment ça se passait? C'était vraiment les championnats de France ton objectif, et puis après Non, bah, je m'étais dit je vais descendre, essayer de descendre progressivement, ouais. Et du coup je suis resté sur cette distance, le 10 km forcément, ouais. Et du coup j'ai essayé de regarder les grosses courses qu'il y avait dans le coin. Ouais. Et j'ai essayé de un peu toutes les faire, tout en m'entraînant, en découvrant un peu l'entraînement, le fractionner, via le club, ouais. que j'avais. Donc j'y allais une fois par semaine le vendredi. Et du coup, j'ai pu me développer la manière de m'entraîner. Je faisais un peu de vélo quand même à côté pour dire de faire un petit entraînement croisé. Et puis de fil en aiguille, j'ai progressé. D'accord. Et je faisais quelques courses pour voir où j'en étais au fur et à mesure, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui te plaît dans le fait de courir? Il y a une sens, la liberté, on va dire. Ouais. Et puis de pas avoir d'entraînement imposé, les heures, les jours. Je peux m'entraîner quand je veux, où je veux. Oui. C'est vrai que comparé au vélo, c'est quand même plus facile de s'entraîner à la course à pied. En tout cas sur ces distances-là, que sur du 10 km que tu fais, que sur du vélo par exemple. Ouais, exactement, surtout sur le BAB, enfin oui. C'est quand même dense en circulation. Là, la course à pied, on peut partir de nuit sur les trottoirs, c'est éclairé, ça ouais. craint rien. La piste, c'est à proximité, il y avait tout qui était bien pour s'entraîner, quoi. C'était niveau infrastructure, on est quand même bien loti, donc oui. Tout était plus facile en termes d'organisation. Même si on a un truc de prévu le soir, on arrive de nuit, alors que le vélo, il fallait tout en calculer, rentrer avant la nuit. C'était vachement compliqué à mettre en place, quoi. Et puis c'est moins chronophage, parce que le vélo, une sortie de... En course à pied, même une sortie de 45 minutes, on peut faire quelque chose de bien, alors que le vélo, si on n'a pas fait une sortie de 2 heures, ou au minimum 1 heure et demie, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, la course à pied, même une récup de 30 minutes, quoi. On a un petit créneau de 30 minutes, on y va... On a l'impression d'avoir fait quelque chose, alors que 30 minutes de vélo, ben, c'est le temps de s'habiller, quoi. C'est vrai. De mettre les chaussures, de descendre le vélo. C'est... Descendre le vélo, quand t'habites dans un appart au 3e étage, il faut descendre le vélo. C'est un casse-tête. Tout devient un casse-tête, en fait. Et c'est vrai que je vois, d'habiter en ville, c'était quand même c'était compliqué. Ouais. Et quelle a été ta première course, tu t'en souviens ou pas? Bien sûr. C'était à domicile, à Mont-de-Marsan. Ouais. La course des crêpes. Ouais, parce que j'ai des copains du club qui ont été à la course des crêpes pas loin de Mont-de-Marsan. Ah, course du Chandeleur à Saint-Sevé. À Saint-Sevé, c'est pas loin de Mont-de-Marsan ou pas? Oui, c'est à côté, c'est pas loin. Ouais, voilà, il me semblait bien. Tout à fait. C'est ce qu'ils m'ont dit. Oui, quelle culture. 7 km et 14 km. C'est ça. Avec du dénivelé un petit peu. Et avec plein de crêpes à l'arrivée. Exactement. Ouais. J'ai jamais fait, mais elle est connue en tout cas. Mais il paraît qu'elle est très bien à faire. Ouais, ben on la fera alors. Ouais. Non, ouais, ma première course c'était Mont-de-Marsan. Du coup, c'était pour le marathon des Landes. Parce que si tu veux, chaque année au mois d'octobre, il y a le marathon des Landes. Et du coup, ils font marathon, semi et 10 km. D'accord. Et une marche. Ouais. Mais souvent, c'est des formats qu'il y a dans les courses proposées. Quand on propose des marathons, on propose aussi le semi et le 10 km quand même, non? Ouais, exactement. Comme à Biarritz. C'est ça. Mont-de-Marsan. La Rochelle, par exemple, j'ai entendu dire qu'il y avait aussi marathon, semi et 10 km. Ouais, il y a beaucoup de courses, ouais. une fois que la route est bloquée pour un marathon, autant profiter pour proposer d'autres distances. Je pense que c'est ça qui fait. C'est, ça. Bah, c'est quand même plus facile, ouais, c'est clair. Et c'est... pour toucher plus de gens aussi, quoi. Les accompagnants, par exemple. Ouais. Enfin, si le mari fait le marathon ou la femme fait le marathon et que son compagnon, sa compagne, il est moins entraîné, il peut se rabattre sur une distance plus courte, ou les enfants même, sur une distance plus courte. Voilà, c'est quand même. Un sacré événement, et puis bloquer toutes les routes pour un marathon, c'est vrai que faire un 10 km ou un semi, c'est quand même après plus simple à organiser, quoi. Oui. Et c'est ton club qui organise ça ou pas du tout? Ouais, ben surtout c'est l'Omnisport, je crois. D'accord. Si j'ai pas de conneries. À Mont-de-Marsan, il y a un Omnisport, il doit y avoir le rugby. C'est ça, il y a le rugby, le basket, le ping-pong, tout plein de sports, quoi. D'accord. Et je crois que c'est l'Omnisport qui organise quand même. D'accord. Mon club est aussi dedans, évidemment, mais c'est surtout l'Omnisport, ouais. Ok. Il me semble. Ça marche. Est-ce que tu aimes bien jouer? Ouais, j'aime bien. Ouais. Eh bien, je te propose qu'on fasse un petit jeu tous les deux. Vas-y. Je vais te faire des propositions et il faudra que tu me choisisses assez rapidement ce que tu choisis. Donc, on va jouer à « Tu préfères ». Maxou, tu préfères la Real Sociedad ou l'Athletic Bilbao? Allez, la Real Sociedad. Biarritz ou Bayonne? Ah, là c'est compliqué parce que le bon, allez. Allez, je suis là. Je vais pour te faire plaisir, Biarritz. Ah, ça me fait très mal au cœur. Hein. Tu préfères le 10 km, le 5 km ou le semi? Ah, le 10. Le 10. Pogacar, Vingard ou Evenepoel? Ah, putain, c'est dur aussi ça. Allez, Remco. Remco, ah, cool. Hicham El Guerrouj ou Kipchoge? Bah, Kipchoge, évidemment. L'idole. L'OM ou le PSG? Ah oh, là, c'est dur aussi. Hein. Franchement, allez. Tu peux dire Bordeaux, tu peux dire. Bah, Bordeaux, mais bon, on est en National 2, quoi. C'est ça. Tu préfères courir sur la piste ou sur la route? Bon, route quand même, même si piste, c'est quand même sympa, quoi. Tu préfères Dupont ou Wilkinson? Bah, Dupont. Nadal, Federer ou Djoko? Allez, pile, allez, Federer quand même. Tu préfères Usain Bolt ou Michael Phelps? Bah, Usain Bolt quand même, la base. Ouais. Et est-ce que tu préfères Michael Jordan ou Kobe Bryant? Allez, Kobe. Ah ouais? Bah ouais, le pauvre, il est plus là. Hein. Et puis, merci. Je l'ai vu jouer plusieurs fois, alors que Michael Jordan, on était jeune quand même. Et bien, merci beaucoup, Maxime, pour tes réponses. Bon, je t'avoue que je m'en doutais un peu de toutes tes réponses. À part Biarritz, franchement, ouais, je savais même pas. J'ai pas mis Mont-de-Marsan parce que je savais que tu allais répondre Mont-de-Marsan. C'est pour te faire plaisir. Et je savais pas trop ce que tu allais répondre. Et mais c'est comme choisir deux trucs que t'apprécies pas, donc c'était compliqué. C'est sûr. Écoute, maintenant, je te propose de parler un petit peu d'entraînement. Avec plaisir. Déjà, à quelle fréquence tu t'entraînes maintenant? Alors actuellement, 6 à 7 fois par semaine. Ah oui. Quasiment tous les jours. D'accord. Un jour de repos pour que ma copine soit contente. Oui. Et voilà. Tu t'entraînes tout seul? Parce que tu nous as dit que tu faisais partie d'un club, est-ce que tu t'entraînes avec le club ou est-ce que tu fais tes entraînements tout seul? Alors tout seul, la plupart du temps, ou avec des copains, mais la plupart du temps c'est tout seul parce que ben, le club étant à Mont-de-Marsan et moi vivant loin de Mont-de-Marsan, j'y vais pas forcément. Enfin, j'y suis pas allé depuis au moins un an et demi, quoi. Mais je suis quand même dans le club et je représente le club dans les compétitions. Après, je suis en contact toujours avec le club, mais je m'entraîne tout seul. Ok. Et par contre, ton programme d'entraînement, c'est toi qui te le fais, c'est le club qui te le fournit, ou est-ce que tu as pris un coach extérieur ou... Alors, à la base, je me suis fait aider par un copain. D'accord. Et maintenant que je sais à peu près comment et que j'ai trouvé la bonne formule qui me correspond, disons que je le fais tout seul. Ok. Et comment tu décides de ton programme d'entraînement? Parce que c'est quelque chose d'assez complexe, progresser en s'entraînant, pas se blesser, c'est un peu compliqué. Comment tu décides où c'est que tu vas chercher les infos? Bah après, j'essaie de garder la même logique toutes les semaines. Donc bah, la plupart du temps, c'est des footings cool, donc vraiment très cool, on va dire. Ouais. Et les deux ou trois séances que je fais par semaine, c'est quasiment les mêmes, mais que j'organise juste de manière différente. Voilà, ma première séance de la semaine, ça va peut-être être de la VMA. VMA, c'est quoi? VMA, ben, tu cours à le maximum que tu peux tenir pendant, je sais plus, 6 minutes, je crois, c'est ça. Ouais. Ouais, voilà. Donc je fais ça. Et après, la deuxième séance de la semaine, je fais du seuil 2, on va dire. Donc c'est plutôt autour de l'allure semi. D'accord. Mais sur 8 ou 9 kilomètres. Donc fractionné en 2000 mètres, 3000 ouais. mètres ou des 1000 mètres. Mais je D'accord. fais en général jusqu'à 8 kilomètres d'effort ou 9. Ouais. Et après, le week-end, je fais du SV1, donc c'est plutôt autour de c'est 85% de fréquence cardiaque. Ouais. Et je pars sur ça, je fais du 2 fois 15 minutes ou une demi-heure ou 25 minutes, ça dépend. Et voilà. Mais c'est vrai que maintenant, on voit beaucoup d'athlètes qui parlent beaucoup d'entraînement, de... et on entend tout et son contraire. Comment toi, tu décides qu'une formule est mieux qu'une autre ou... Pour toi, c'est à ton ressenti ou... Ouais, ben là, c'est un débat qui... On ne sait pas, en fait. Il n'y a pas vraiment de méthode miracle, je pense. Je pense que c'est un peu ce qui nous correspond. Et avec du recul, en courant depuis quelques années maintenant, ouais. enfin, depuis 3-4 ans, j'ai un peu tout essayé, on va dire. Et là, la méthode que je fais actuellement, je trouve qu'elle me correspond bien parce que niveau fatigue mentale, on va dire, parce que ouais. c'est quand même beaucoup... d'heures de course par semaine, ouais. Je me sens bien et j'ai tout le temps envie d'aller courir. Alors que ouais. y a des fois quand on s'envoie des grosses séances, ben des fois on perd aussi un peu de motivation. On peut être aussi un peu dégoûté, quoi. Alors que là, c'est vrai que la routine que j'ai, elle me correspond bien parce que je perds pas l'envie d'aller courir. Donc je reste sur ça pour le moment. Après, peut-être que moi j'ai une impression. Alors là, pour le coup, je vais parler de moi, mais qu'on a peut-être peur de ne pas être prêt pour les objectifs et du coup d'en faire trop. Et petit à petit, je me rends compte qu'en fait, ça revient vite quand même. Tout à fait. Ça ouais. revient plutôt vite, des fois en 2-3 semaines, à s'y mettre un petit peu sérieusement, un peu plus sérieusement, ça revient assez vite. Et il faut justement pas essayer de ne pas trop en faire pour garder un peu de fraîcheur derrière parce que sinon, on peut vite se cramer. Ouais, c'est clair. Ben là, je prends l'exemple dernièrement encore, je suis tombé malade. Et c'est vrai que j'avais le 10 km de Pau qui était prévu ben là, début février, donc il y a 15 jours, même pas, il y a 10 jours. Ouais. Et en étant tombé malade, je me dis que c'était mort, quoi. Là, j'allais jamais pouvoir m'entraîner. Je crois qu'il restait, après d'être malade, il me restait 5-6 semaines. Je me dis, oh là là, c'est compliqué pour être prêt pour une course de 10 km. Et au final, ça revient vite, quoi. En 5-6 km, même en ayant arrêté à cause de la maladie quelques jours. J'ai été prêt et j'ai même battu mon record qui n'était même pas prévu parce qu'en 5-6 semaines, ben, le corps il s'adapte super vite. Et je pense que le problème de beaucoup de personnes, c'est ça. Oui. C'est que tu te dis, oh, je ne vais jamais être prêt le jour J, donc tu veux toujours en faire plus. Mais le corps en 5-6 semaines, il évolue vachement vite. Oui. Enfin, tu le vois toi. Je suis d'accord. C'est pareil, quand tu arrêtes et que tu reprends, même si tu fais 15 jours de vacances, que tu reviens, ben en l'espace de un mois, tu as repris déjà la forme que tu avais avant les vacances quasiment. Après, on perd très vite aussi. Hein. On perd très vite. La reprise peut être dure, mais après, ça revient vite quand même. Ça revient très vite. Avec un peu de régularité et d'envie, ça revient très très vite, ouais, c'est clair. Parce que toi, tu fais combien de préparation sur une course, par exemple, pour un 10 km combien de temps de préparation il te faut pour préparer un 10 km Là, j'essaie de partir entre 10 et 8 semaines. On va dire. Ok. Et après, ben, vu que j'arrête pas vraiment de courir, on va dire, je garde quand même une grosse base. J'arrête juste l'été 15 jours. Okay. Après, sur le reste de l'année, bon, c'est vrai que même si je pars sur une prépa de 8 ou 10 semaines, j'ai quand même accumulé du volume constamment, quoi. Enfin, même si je fais des semaines où je m'entraîne que en footing et pas forcément de fractionné, ouais. c'est vrai que tu perds pas et puis le corps, il garde l'habitude. Donc. Mais il n'y a pas besoin de partir sur des prépas très très très longues, je pense, à part si c'est pour du marathon, je pense que le reste, ça va. Parce que toi, tu te fixes combien d'objectifs par an parce que c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je sais que j'en fais pour le triathlon, je m'en fixe un ou deux par an. Et après, les autres, c'est le reste des courses où c'est là un peu pour se jauger, se faire plaisir. Mais des vrais objectifs et des objectifs intermédiaires, comment tu gères ça, toi ? Ouais, ben déjà par rapport au calendrier, donc j'ai mes courses, on va dire, favorites. Et après... Qui sont ? Alors, le 10 km de Pau. D'accord. Le 10 km de Bordeaux. Et maintenant, le semi de Bordeaux que j'ai vachement apprécié. Donc, je pense... Parce que t'as fait ton record personnel là-bas. Oui, tout c'est à ça. Fait, sur le semi, ouais. Qui est de 1h14 et 27 minutes. C'est ça. Et 27 secondes, pardon. Oui, parce que ça, ça fait beaucoup du coup, mais oui, ouais, c'est ça. Et on rappelle, donc, ton record personnel en 10 km, c'est 33-32, donc du coup... Mais, que j'ai battu, là, il y a 10 jours, à Pau. Ouais, c'est ça. Et où t'étais pas forcément parti pour ça, d'ailleurs. Exactement, ouais, j'ai été vachement surpris, et parce que, ben, voilà, comme je le dis, j'ai été malade, et c'est qu'en fait, ben, le corps, en 5-6 semaines d'entraînement, il revient vraiment au top, quoi, donc... Et donc du coup, là, tu nous disais que les minima pour les championnats de France, c'était 34-15. Ouais. Donc du coup, là, t'es qualifié pour les championnats de France. C'est ça. Et tu les as déjà fait aussi. Oui, oui, je les ai déjà fait une fois ouais. en région parisienne, c'était à Houille. Ouais. Donc c'était, ouais, c'était un bel événement, ouais, à Houille, ouais. ça me fait penser à monsieur Houille, c'est tout. C'est ouais, c'est à côté de Nanterre, visiteurs. À côté ouais. de Nanterre, okay. la région parisienne. Et toujours proche du basket, toi. C'est ça, toujours. Et du coup, ouais, c'était un bel événement. Ouais. C'était un peu le... bah, c'était mon objectif principal quand j'ai commencé. Donc bon, j'avais les étoiles dans les yeux. Bon, après, ça reste anecdotique, hein, les championnats de France. Ouais. Mais tu nous racontes un peu comment ça se passe, parce que je pense que là, du coup, tu arrives dans un truc où ici, tu as l'habitude de finir dans les premiers pourcentages de la course, on va dire, dans les premiers 10%. Et là, tu arrives dans un truc où tu sais que tu vas morfler quand même. Non ouais, ouais, bah, c'est clair. Je m'attendais pas. Enfin, si, je m'attendais à ça en même temps. Mais en fait, si tu veux, on récupère les dossards et t'as le numéro, t'as un numéro, c'est ton ordre de qualification. D'accord. Et en fait, je me rends compte, je récupère mon dossard, je crois que j'étais numéro genre 600 ou 700. Donc ça veut dire que devant, potentiellement, il y avait 600 ou 700 personnes qui avaient un meilleur chrono de qualification que moi. Parce que j'avais fait juste 34-08. Donc tu vois, j'étais juste proche des minima. Donc je me rends compte que ça allait être quelque chose de fou. Et là, sur la ligne de départ... c'était dingue, le niveau, c'est parti, mais j'avais jamais vu ça, quoi. J'avais jamais vu ça. Ah ouais, c'est clair. Ben, je me suis retrouvé à finir dans les 100 derniers ou 150 derniers. Ouais. Et devant, il y avait 600 ou 700 personnes, donc c'était énorme, quoi. D'accord. Ça remet en place, parce que ça veut dire qu'il y a encore du boulot, quoi. Ben oui, ben après, c'est normal. Hein. Enfin, oui, bien sûr. On passe, dans tous les cas, on passe toujours des niveaux, on tombe toujours sur meilleur que soi. Oui, oui, donné, c'est ça, exactement. Après, là, tu nous parles beaucoup du 10 km, mais tu fais aussi d'autres distances. Tu fais le 5000, il me semble, sur piste. Exactement. Ben, ou j'ai... sur route, d'ailleurs, les 5 km. Et tu fais des semis aussi. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, l'été, disons que la période estivale, je fais plus du court, 1500, 5000, parce que je me suis rendu compte que ben, courir quand il y a la chaleur, faire des longues distances, même rien que du 10 km quand il fait 40 degrés, surtout que les courses l'été, j'aime bien faire les courses des fêtes de village, tout ça, un peu les courses aux saucissons, quoi, comme on les appelle. En plus, tu peux gagner. Ouais, voilà, c'est ça, il y a des lots à gagner, c'est toujours agréable quoi, de gagner quelques trucs. Et c'est vrai que du coup, je me suis rendu compte l'été, les 10 km, ça amusait vachement mentalement, parce que c'est un effort qui est très violent. Et puis avec la chaleur, on arrive loin de ses chronos habituels, enfin, c'est assez frustrant. Et donc je me suis dit, ben, l'été, je vais faire du 1500 mètres, du 5000 mètres sur piste et du 5 km route. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup dans le coin. En général, ils font un 10 km et un 5 km. Okay. Et en fait, ça permet de bosser un autre secteur, donc un peu plus de vitesse encore. Et je trouve que c'est complémentaire par rapport aux 10 km. Et après, j'essaie de caler un semi par an. Ouais. Parce que le semi, du coup, on s'entraîne différemment sur les distances, du coup. Tu n'as pas préparé un semi comme tu prépares un 10 km. Tu vas peut-être augmenter ton volume, augmenter ta... et travailler les allures de semi, ou comment ça se passe? Comment tu différencies ça? Ouais, ouais, ben là, dans mon cas, en tout cas, j'avais préparé un gros 10 km. Donc, j'avais déjà une bonne forme. Et après, le semi était un mois après. Donc là, sur le mois qui a suivi le 10 km... j'ai juste fait quelques séances à allure semi. Mais ce qui est bien avec le semi, c'est que ça ne demande pas forcément un gros chamboulement de préparation. Ce n'est pas comme le marathon. Quoi. Parce que des marathons, tu as déjà fait? Non, pas du tout. Et ça te tenterait de faire un marathon? Pas pour le moment. Non. Parce que du coup, ça serait une préparation qui serait totalement différente pour le coup. C'est clair, ce serait totalement différent de ce que je fais. Et je pourrais moins avoir ce côté fun que je retrouve dans les courtes distances, c'est-à-dire on peut enchaîner plus facilement. Oui. On peut s'en... Il faudrait vraiment te consacrer à un objectif. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que les 10 km, on peut s'en programmer un par mois, ou on peut les enchaîner plus facilement. Le vrai que le marathon, pour l'instant, je ne suis pas prêt, parce que si demain, on ne sait jamais, je rate mon marathon, mais tu peux pas te dire, t'es, j'en refais un la semaine prochaine, quoi. C'est injouable. Ouais, c'est sûr. Donc pour l'instant, je ne suis pas prêt et je je prends beaucoup de plaisir sur des distances de 10 km, voire semi. C'est quand même super le semi. Donc, je préfère rester sur ces distances pour le moment, quoi. Et tu l'as parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu croises tes entraînements? Est-ce que tu fais autre chose? Est-ce que tu fais du vélo? Est-ce que tu fais de la boxe? Est-ce que tu continues à faire du basket? Est-ce qu'il y a des choses qui te complètent un peu ton entraînement course à pied? Je fais de la fléchette. Je joue beaucoup aux fléchettes. Mais j'allais y venir un peu plus tard. Non, je suis pas très doué aux fléchettes, donc je préfère rester à la course. Mais sinon, non, je croise très peu. Au début, je croisais beaucoup. Avec le vélo ? Le vélo. Ouais, c'est vrai que c'est complémentaire. Et puis, là, je crois que le vélo, il faudrait lui enlever les toiles d'araignée et la poussière parce qu'il n'est pas sorti du garage depuis un moment. Mais je pense que là, cet été, je vais essayer de faire un peu plus de VTT, par contre. D'accord. Tu vois. Et du trail, de la rando, tout ça, non, ça, tu fais pas. Bah, rando et trail, c'est pareil, non? Non, je rigole. Je vais vexer certaines personnes, je rigole. Je te rappelle que la seule course de trail qu'on a fait ensemble, t'as explosé. Ah oui, c'est vrai, tu m'as battu en plus. Ouais, je t'ai battu. Parce que j'ai fini en roulis complet. Non, je fais pas de trail. Ou juste de temps en temps, bah, avec les copains, juste pour me promener, on va dire. Et après, juste... Écoute, un jour, je te propose de faire qu'on aille les deux en trail et on va voir si c'est de la rando. D'accord, pas de soucis. On va se faire. J'ai une sortie, c'est 20 km, 1000 mètres de D+, et puis... Ouais, ça va. C'est pas beaucoup, et ça. Et on verra si on court ou si on marche. On fera les deux. Y a pas le choix, attention, apparemment. Je fais tout en courant, moi, normalement. D'accord, bon, on ira ensemble. C'est pas avec plaisir. Ok. Et petite dernière question, au niveau de l'entraînement et tout ça, quel matériel tu utilises ? Niveau chaussures, est-ce qu'après tu utilises un tapis de course? Oui, mais j'ai acheté un tapis de course il y a de ça un an et demi, je pense, deux ans maintenant, bientôt. D'accord. Je crois que j'ai utilisé 10 fois à tout casser. Ah ouais. Parce que c'est vraiment l'ennui, l'ennui. Mais bon, quand il y a de l'orage ou que c'est vraiment la tempête, c'est vrai que des fois ça dépanne bien. Encore hier ou avant-hier, j'étais dessus parce que même quand il fait nuit, je préfère, je vis à la campagne, donc c'est quand même au niveau sécurité, je me sens mieux sur mon tapis. Ouais. Même si c'est un peu ennuyeux, bon, allez, je me lance sur le tapis. Et sinon, après, niveau matériel, des chaussures. Hein. Ouais. Et chaussures, tu as des marques préférées, t'es le professionnel que je connais. Je te demande toujours conseil. C'est vrai. Et j'ai pas été déçu sur mes dernières, donc je pense que je te demanderai conseil encore un peu. Avec plaisir. Mais je crois, en plus, toi, tu fais un peu toutes les marques. C'est ça. T'as pas trop de préférences, mais c'est tout. Ouais, c'est ça. J'ai un peu essayé plein de marques. Parce que bon, bah, j'ai des... Ça me faisait plaisir d'acheter des chaussures. Donc au début, je me suis lancé, j'ai un peu tout essayé. Et c'est vrai que là, depuis peu de temps, j'ai essayé Decathlon, donc Kiprun. Ah ouais. Donc oui, bon ben bah, Kiprun, enfin Decathlon a un peu une image négative, on va dire, pour le moment. Ouais. Mais c'est vrai que... Après, moi je trouve qu'ils sont de plus en plus à la pointe dans beaucoup de sports, notamment avec Van Rissel sur le vélo. Rock Rider, je crois que ça va disparaître d'après ce qu'on m'a dit. Je suis dans les tuyaux de Decathlon, ils restructurent toutes les marques et il n'y a que Van Rissel qui va rester. Ok, ouais, c'est cohérent. Et je crois que dans le tennis aussi, il y avait Gaël Monfils qui est sponsor par Artengo. Le foot à Griezmann, je crois. Ouais. Donc du coup, je pense ils sont pas mal, ouais. Ouais, c'est clair. Et là, les nouvelles paires de chaussures, bon, avec ils ont signé Jimmy Gressier, quand même, qui est l'athlète français le plus connu, dans ta discipline. Dans ma discipline, et puis c'est un peu le... Voilà, niveau communication, c'est un peu le plus connu, on va dire, celui qui a le plus de hype, en tout cas. Et c'est vrai que leurs chaussures commencent à être vraiment très intéressantes. Même la paire de compétition, la paire de carbone que j'ai utilisée sur mon dernier 10 km, franchement, c'est largement au niveau des autres marques. Pour avoir essayé plein de marques comme Nike, Adidas, Puma, qui prennent largement au niveau maintenant. Franchement, ça vaut le coup. Pour les gens, n'hésitez vraiment pas à aller à... faire un peu de pub, mais même si je gagne rien, on va essayer. Bon, mais merci pour ces conseils. Je vous propose d'écouter une musique. C'est l'hymne du Stade Montois. Voici l'heure du combat, nos crampons marchent à l'unisson. Honorons les maillots, défendons nos valeurs dans la force, la sueur. Le rugby nous unit, l'Ovalie c'est notre pays. Les tribunes au terrain, du couloir à laisser, c'est Bonnie qui va s'enflammer. Voici l'heure du combat, nos gros ponts marchent à l'unisson. Honorons le maillot, défendons nos valeurs dans la force, la sueur. Le rugby nous unit, l'Ovalie c'est notre pays. Les tribunes au terrain, du couloir à laisser, c'est Bonnie qui va s'enflammer. Jaune et noir sont nos couleurs. Honorons le maillot, défendons nos valeurs dans la force, la sueur. Le rugby nous unit, l'Ovalie c'est notre pays. Les tribunes au terrain, du couloir à laisser, c'est Bonnie qui va s'enflammer. Jaune et noir sont nos couleurs. L'hymne du Stade Montois. Donc, je sais pas qui en est l'auteur. Alors, Maxime, pourquoi cette chanson ? Là-bas, c'était une blague. Je pensais pas que t'allais la mettre. Mais bon, merci pour ce clin d'œil. C'est quand même mon club de cœur. Donc, ça me fait plaisir, quoi, en tout cas. Voilà, là, mais c'est... Alors, vraiment, l'air de l'Encantada avec cette petite cornemuse celte qui n'est, alors que Mont-de-Marsan n'est pas du tout celte. Non. Vraiment. Et ses paroles, alors j'ai pas écouté en détail, mais ça a l'air quand même un pépite. Bon, après, il faut dire que beaucoup d'hymnes de rugby, de foot sont vraiment, vraiment nuls à chier. Oui, c'est ça. Mais je te rappellerai quand même le score de la semaine dernière contre Biarritz. Voilà. C'est vrai. Non, mais là, je dis rien, j'ai rien à dire. Donc, on peut rien dire, c'est non, ça. On peut rien dire du match, ça, c'est sûr. On me dit, oui, tu te fais chambrer parce que Biarritz a perdu, oui, mais au bout d'un moment, quand t'es aussi nul, qu'est-ce que tu veux dire ? Non, c'est vrai. Il n'y a plus rien à dire. Il vaut mieux gagner d'un point, tu peux chambrer l'adversaire, ce qui te dira toujours, machin, quand tu prends une branlée comme ça. Une Fanny, je tiens à dire, quand même. Une Fanny. Du coup, Maxime, est-ce que tu t'intéresses à d'autres sports ? Là, on vient de parler de rugby, donc je me doute un peu le rugby. Oui, oui. Je te mets des branlées aux fléchettes à peu près tous les midis, donc je me doute que tu t'intéresses aux fléchettes. Ah, je me rappelle pas de ça, par contre. Ouais, je t'ai pas éliminé des deux dernières Coupes du Monde. Ah non, une, la première. La première. Il n'y a pas deux Coupes du Monde où je t'ai éliminé ? Non, calme-toi quand même. Non mais tu t'intéresses à d'autres sports Oui tout à fait, plein de sports. Basket sport, encore touche à tout, ouais, basket, foot, rugby, fléchettes, billard, ah non quand même pas. Ouais. Vélo. Ouais, vélo évidemment. Je sais que tu vas avoir le Tour de France tout à fait, tous les ans. Bah, tous les ans Tour de France quand même, on s'est croisés d'ailleurs. Ouais. Et après course à pied forcément, un peu tous les sports, je suis pas... Triathlon, tu... Ah là ça c'est par contre je connais pas, désolé. Triathlon, trail, je connais pas. Non, oui, si, je suis un peu de loin, quoi. Après, de là à connaître tous les triathlètes de la planète, non. Les meilleurs, peut-être. Mais c'est vrai que quand on discute de sport, c'est vrai qu'il y a à peu près tous les sports où oui, oui. au moins on a un avis, quoi. C'est ça. Ouais, ouais. On a souvent des débats endiablés sur oui. beaucoup de sports. Donc oui. C'est vrai que même si tu connais pas grand-chose, oui. ça va, on fait avec. C'est vrai qu'on on vient souvent se voir l'un et l'autre en se demandant, en jouant où tu préfères sans, ouais, sans être à la radio, en fait. C'est vrai. On n'avait pas encore venu au point, mais ça va pas tarder, quoi, j'ai l'impression. Et est-ce qu'il y a d'autres sports que tu aimerais essayer, que tu n'as pas eu encore l'occasion Ouais. Ouais. Le ping-pong. Le ping-pong, c'est vrai Ouais, de fou. Ça me, depuis les JO et tout, l'hype, le brun, ouais. je m'intéresse vachement au ping-pong. Et tu jouais quand même un petit peu quand tu étais... Ouais, j'ai eu 20 sur 20 en 6e à la table 1, quoi. Super. Ouais. Non, ouais. mais franchement, je m'intéresse vachement au ping-pong. Et encore, ouais. Le week-end dernier, il y avait un grand smash. Donc, D'accord. c'est l'équivalent des grands chelems, comme le tennis. Ok, alors là, autant c'est l'équivalent de Roland Garros. J'ai regardé un peu au JO, mais. Ouais, c'est l'équivalent de Roland Garros pour le ping-pong. D'accord. Et j'ai regardé, même la finale, c'était deux Chinois. Et j'ai regardé, tu vois. Ouais. Et ouais, c'est impressionnant ce sport. Et je pense que c'est un sport, en plus, je pourrais le pratiquer parce que tu peux faire la course à pied et le ping-pong. Oui, ça va. ça va. Même si le ping-pong, c'est quand même physique, on dirait pas. Nous, en amateur, si je me mettais à jouer demain, je pense que ça serait pas bien oui. physique. Mais quand on les voit à la télé, comment ils bougent dans tous les sens. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Ils font des sacrés fractionnés. Mais non, c'est un sport ouais, qui me plairait. Ouais. ouais. Et le trail, forcément, maintenant que tu es obligé de venir avec moi au moins une fois. J'en rêve tous les jours, le trail. Ouais. Donc, je vais devoir aller m'acheter une paire de chaussures, par contre. Parce que je suis pas équipé, moi. Il faudrait que tu viennes avec une bonne paire de chaussures, c'est bon. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, j'irai, rayon randonnée, j'irai au rayon randonnée à Décathlon, peut-être qu'il y aura, ce que je veux. Et du coup, quels sont tes prochains objectifs? Là des 10 km, il y a plusieurs 10 km qui arrivent là au mois de mars. Ouais. T'as quoi comme 10 km? Il y en a un, je peux pas dire l'endroit. Pourquoi? C'est à Paris? Non, mais non. Ça je peux pas diffuser d'informations à ce sujet. C'est okay. c'est secret. Et après tu le fais tout seul ou tu le fais accompagné? Non, j'ai un ami qui D'accord. vient avec moi. Okay. Et ensuite j'ai un autre 10 km à Lac début avril. Ouais. Donc, vu que c'est pas très loin de la maison et qu'il est labellisé FFA aussi. Ok. Voilà. Parce que, ouais, mais c'est vrai que nous, moi, dans mon club de triathlon, il y en a, l'année dernière, il y en avait qui avaient fait leur PR, leur meilleur temps à Lac. C'est vrai qu'il est réputé pour, tout à fait, ouais. pour être très, très roulant. Ouais, ouais, il est roulant. Ils l'ont relancé il y a 2 ans, je crois, parce qu'il avait arrêté quelques D'accord. années. Et c'est vrai qu'il y a un parcours, c'est 2 boucles de 5 km. Ouais. Bon, le parcours est pas très joli, il est dans les champs, oui. c'est pas. Mais c'est vrai qu'il est très très plat. Il y a vraiment très peu de, il y a pas de côte quoi. Ouais. Il y en a une, je crois. C'est un pont. Ouais. Donc, c'est pas très violent. Mais ouais ouais, c'est ça court très vite là-bas ouais. ouais. Donc, mais c'est en roulant, ça veut pas dire qu'on le fait en vélo. Hein. Non, attention, non. ça veut dire que c'est plat. Oui, c'est plat. Ça. Ouais, on va dire ouais, plat. C'est ça. Comment tu vois maintenant, avec le recul, le moment où tu t'es mis à faire du sport, donc avant le Covid, et toi actuellement, est-ce que tu penses que si tu te voyais à l'époque maintenant, tu serais fier, tu te dirais « bon, je pensais que j'aurais pu être un peu meilleur qu'est-ce que tu penses que tu ressentirais ?» Ouais, je pense qu'en vrai, je m'y serais mis plus tôt, ouais, parce que plus on commence tôt et mieux c'est, hein, donc ça, ouais. je regrette juste ça d'avoir commencé sur le tard comme ça. Après, peut-être que je m'en serais dégoûté. Il y a beaucoup de, beaucoup de mecs dans l'athlétisme ou le vélo qui commencent enfant mmh. et arrivés à nos âges, autour de la trentaine, en peuvent plus. Parce que c'est quand même, ça demande beaucoup d'investissement comme sport. C'est assez chronophage. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé commencer un peu plus tôt pour voir jusqu'à où j'aurais pu aller. Parce que bon, maintenant, c'est un peu tard. Même si je m'améliore encore, hein, mais pour ouais. être très très performant, je pense que commencer plus tôt, c'est quand même mieux. Ouais. Mais est-ce que toi, tu te voyais avoir ces temps-là, avoir ce niveau-là, il y a encore 5 ans? Ah, je l'espérais en tout cas. Ouais, tu l'espérais. Quand j'ai commencé, ouais, bah, c'est ce que je visais. D'accord. Après, je ne me suis jamais mis de barrière ni de limite, donc je voulais être toujours la meilleure version de moi-même. Donc ce que je vais faire, c'est continuer. Après, il y aura toujours un moment où ça sera la fin. Ouais. Mais on va essayer de la repousser le plus longtemps possible. Pas forcément, parce qu'après, on peut. Alors, le niveau, au bout d'un moment, les records vont pas. vont pas être battus, mais il y aura quand même la compétition par catégorie. Par catégorie. Et même, je pense que quand on a 40 ou 50 ans, battre des petits jeunes de 20 ans, oui, ça je pense plaisir. Que ça peut faire plaisir aussi et motivant d'une autre manière. Et puis faire des gros chronos encore à 40 ans. Ouais. Parce que je vois, j'ai des copains à 40 ans, ils font des chronos comme les miens. Je me dis, ouais, il y a encore du temps, et même pour progresser encore et encore. Quoi. Donc, Moi, j'ai croisé dans les Pyrénées il y a 2 ans en vélo un petit vieux, on va dire, qui avait 75 ans. Non, je l'ai doublé, mais je roulais avec lui, donc du coup, je discutais. Et en fait, son objectif, c'était de devenir champion de France senior plus, je sais énorme. Pas combien, quelle catégorie. Ah ouais, énorme. Mais de sa catégorie en vélo. Ok. Et, si, mais en fait, le sport, même jusqu'à 70 ans, si on veut... Si on veut, on peut trouver. On pense toujours que ça va s'arrêter un moment, mais c'est clair. C'est pas obligé, quoi. Mais là, au championnat de France à Houille, du coup, il y avait un monsieur, il a été champion de France M8, je veux pas dire de bêtises, M8 ou M10. Ouais. Il avait 88 ans, je crois. Bon, il était tout seul sur sa course, par contre. Mais du coup, est-ce qu'il a fait. Tout seul, mais il a été champion de France. Mais est-ce qu'il a fait les minima. Ouais, il y a des minima. Je crois que c'était moins d'une heure. Je crois que c'était moins d'une heure pour se qualifier. Ouais. Et il avait fait les moins d'une heure. D'accord. Et il a réussi. Bah, il a gagné. Bon, après, il était tout seul sur la course à le faire. Ouais, mais bon, après, il était mélangé à d'autres masters. Master 5, 6, 7, 8 peut-être. Et de sa catégorie, il a été premier. Il avait 88 ans. Ouais, c'est beau. Et là, la joie. Ce qui est beau dans ce sport, c'est que en fait, peu importe l'âge que tu as et le niveau que tu as, quand tu as franchi la ligne, c'est les mêmes émotions. Que tu vises 50 minutes, 45 minutes, 1h02, 1h05, 1h20, peu importe le niveau que tu as. Le temps que tu arrives au bout et que tu as réussi ton objectif, en fait, c'est pareil. Et le sourire, tu l'auras au bout. Donc, non, c'est beau. Et puis, de continuer à courir, c'est encore mieux. Donc, tant qu'on peut, on va le faire, quoi. Donc, voilà, ma prochaine question, c'était qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Je crois que tu as à peu près tout dit. Hein, Bah, continuer encore et encore. Continuer, essayer d'aller le plus loin possible dans tes objectifs. C'est et ça. Puis après, essayer de courir le plus longtemps possible, c'est ça ? Ouais, bah, c'est ça. La finalité, ce sera de courir le plus longtemps possible. Et franchement, quand je croise des gens de 75-80 ans qui courent, c'est inspirant. Franchement, ça fait envie. Et ça maintient en bonne santé, apparemment. Donc, on va essayer de continuer, ouais. Mais ouais. Bon, en tout cas, on ne se fatigue pas trop au boulot, donc ça va. Non, ça ne faut pas le dire, ça. Non, parce qu'on est collègues. Je ne l'avais pas dit, donc maintenant, je vous le dis. Non, voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, Maxime, d'être venu. Merci à toi. Merci aussi à Matine, qui est à ma gauche, qui ne parle pas, mais qui me regarde avec un œil noir et qui me tire un gros fuck. Merci de faire la technique et de me permettre de faire cette émission. N'oubliez pas qu'on peut réécouter cette émission sur radionoculture.wordpress.com et sur Spotify. Merci Maxime. Merci à vous. Salut à tout le monde et au mois prochain. Salut. Oh là là, oh là là, la chute de Mélanqui. Moi j'aime trop les femmes pour les voir souffrir. Maradona, j'aimerais également remercier Luigi.